banane sur son ballon rouge fait bondir le soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser. Color que color la vida. Et nana sur son ballon rouge fait bondir le soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser. Que calor la vie. La chaisière s'est endormie, c'est midi au paradis. Guignol a pris son bâton, le manège tourne en rond. Dans ce monde où tout bouge, dans ce monde où tout est rouge, le préfet joue du tambour, l'amour sera toujours l'amour. Et nana sur son ballon rouge fait bondir le soleil. C'est si bon de ne pas penser. Calor, que calor la vida. Calor la vida, calor la vida, calor la vida, calor la vida. Bonjour madame et bonjour monsieur. Le soleil ou l'amour vous ont fermé les yeux. Guignol a perdu la guerre, le préfet la chaisière. Au paradis vont s'aimer, il vaut mieux n'y pas trop penser. Et nana sur son ballon rouge fait bondir le soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser. Calor, que calor la vie.